Des îles Canaries où il mouilla, il ne mit que 33 jours pour découvrir la première île de l'Amérique. Et pendant ce court trajet, il eut à soutenir plus de murmures de son équipage qu'il n'avait essuyé de refus des princes de l'Europe. Cette île, située environ à 1000 lieues des Canaries, fut nommée San Salvador. Aussitôt après, il découvrit les autres îles, Lucaye, Cuba et Hispaniola, nommées aujourd'hui Saint-Domingue. Ferdinand et Isabelle furent dans une singulière surprise de le voir revenir au bout de 7 mois, 15 mars 1493, avec des Américains d'Hispaniola, des raretés du pays et surtout de l'or qu'il leur présenta. Le roi et la reine le firent asseoir et couvrir comme un grand d'Espagne, le nommèrent grand amiral et vice-roi du Nouveau Monde. Il était regardé partout comme un homme unique envoyé du ciel. C'était alors à qui s'intéresserait dans ses entreprises, à qui s'embarquerait sous ses ordres. Il repart avec une flotte de 17 vaisseaux en 1493. Il trouve encore de nouvelles îles, les Antilles et la Jamaïque. Le doute s'était changé en admiration pour lui à son premier voyage, mais l'admiration se tourna en envie au second.